Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Vie de frère Juniper. Chapitre 1er. Comment frère Juniper coupa le pied à un porc pour le donner à un malade. Frère Juniper, l'un des disciples choisis et des premiers compagnons de saint François, était un homme d'une profonde humilité, d'une grande ferveur et d'une extrême charité, et le saint rendit de lui ce témoignage, en présence de ses pieux frères, que celui-là serait un religieux mineur parfait, qui aurait, comme frère Juniper, vaincu le monde et soi-même. Se trouvant à Sainte-Marie des Anges, ce bon frère, tout enflammé de la charité de Dieu, alla visiter un de ses compagnons qui était souffrant, et lui demanda, plein de compassion, s'il pourrait lui rendre quelque service. « Ce serait un grand plaisir pour moi, répondit le malade, si vous pouviez me procurer un pied de porc. »« C'est bien, dit frère Juniper, vous allez être satisfait. » Aussitôt il court à la cuisine, prend un couteau et se rend dans le bois. Un troupeau de porcs y cherchait alors sa nourriture, le frère se jette sur l'un d'eux, lui coupe le pied et s'enfuit au couvent, laissant l'animal ainsi mutilé, puis il se met à laver ce pied de porc, le fait cuire, et quand il est bien apprêté, il se hâte d'aller le présenter charitablement au malade. Celui-ci le reçut avec un grand plaisir, et le mangea, fort content de l'obligeance de frère Juniper, qui, pour l'égayer, se plaisait encore à lui raconter les assauts qu'il avait dû faire subir à l'animal, avant de parvenir à lui couper le pied. Or, au moment où le bon frère se félicitait ainsi de son succès, celui qui gardait les porcs et qui avait vu tout ce qui venait de se passer, courait, très fâché, faire son rapport à son maître. À cette nouvelle, celui-ci court promptement au couvent et traite les frères d'hypocrites, de filous, de trompeurs, de bandits et d'hommes de rien. « Et de quel droit coupez-vous le pied à mon porc ? » s'écria-t-il tout furieux. Au bruit de tant d'injures, chacun sort, saint François excuse humblement ses frères, assure qu'il n'est au courant de rien, et, pour calmer cet homme, il lui promet de le dédommager amplement de la perte dont il accuse le couvent. Tout cela ne satisfit pas le plaignant, qui se retira bouillant de colère, vomissant contre les frères un torrent d'injures et de menaces, et répétant sans cesse que c'était par malice qu'on avait coupé le pied à son porc. Les frères ne comprenaient rien à tout cela. Cependant saint François, à la prudence duquel rien n'échappait, se mit à penser en lui-même, et il se dit, « Serait-ce donc frère Juniper qui, par un zèle indiscret, nous aurait attiré ses reproches ?» Aussitôt il le fait appeler secrètement et lui demande s'il est l'auteur du délit qu'on attribuait au couvent. Le charitable frère, en homme qui se croyait fort innocent et qui pensait même avoir exercé un grand acte de charité, répond tout joyeux. « Mon doux père, oui, c'est vrai, j'ai coupé le pied à un porc, mais écoutez, je vous prie, dans quelle intention ?» Et le frère se met à raconter la visite qu'il avait faite à son compagnon malade, le désir que celui-ci lui avait témoigné, et il ajoute « Mon père, je vous l'assure, quand je pense au plaisir et au bien qu'éprouve à notre frère, je tiens pour certain qu'alors même que j'aurais coupé le pied à 100 porcs, c'était encore une très bonne œuvre devant Dieu. » Au frère Juniper, répondit saint François avec mécontentement, « Pourquoi donc avez-vous causé un si grand scandale ? Cet homme se plaint, s'irrite contre nous, maintenant, peut-être, Il est à nous diffamer par toute la ville, en racontant le tort qu'on lui a fait, n'est-ce pas avec raison? En vertu de la sainte obéissance, je vous ordonne d'aller le trouver, vous vous jetterez à ses pieds, vous lui demanderez pardon de votre faute, et vous lui promettrez de la réparer de manière qu'il n'ait plus à se plaindre de nous. Car enfin, il faut bien l'avouer, votre zèle vous a fait tomber dans un excès inexcusable. Ces paroles surprirent singulièrement frère Juniper. Il ne comprenait pas qu'on pût se fâcher à l'occasion d'un acte de charité comme celui qu'il avait exercé, et il lui semblait que tous les biens de la terre n'étaient rien, qu'autant qu'on les partageait fraternellement avec le prochain. Il répondit au saint, « Soyez tranquille, mon père, je vais bientôt le dédommager, et je vous assure qu'il sera content. D'ailleurs, pourquoi tant me troubler? Ce porc auquel j'ai coupé le pied n'est-il pas plutôt à Dieu qu'à cet homme qui se plaint? Et n'est-ce pas pour faire une bonne œuvre que je m'en suis servi? » À ces mots, frère Juniper se met à courir après le maître du porc. Il le rejoint bientôt, encore courroucé et impatient de se venger. Sans y faire attention, il s'empresse de lui raconter comment et pourquoi il a coupé le pied à son porc, se félicitant de cette action avec l'assurance et la joie d'un homme qui aurait rendu un grand service et qui en demanderait une bonne récompense. Le maître du porc, enflammé de colère, accable le bon frère des plus grossières injures, le traite d'écervelé, de fou, de voleur et de méchant filou. Frère Juniper, qui se trouvait heureux de recevoir des outrages, ne fit même pas attention à ceux qui lui étaient alors adressés, il s'imagina n'avoir pas bien compris, car il lui semblait toujours qu'il y avait là plutôt matière à se réjouir qu'à se fâcher. Il répète donc comment tout s'était passé, puis se jetant au cou de celui qui l'insultait, il l'embrasse tendrement, l'assure que la charité toute seule l'a porté à cette action, il le prie, l'invite à faire de même avec le reste de l'animal qu'il a mutilé, et tout cela, avec tant de charité, de simplicité et d'humilité, que celui auquel il s'adressait, se sentant tout à coup changé, tombe lui-même à ses pieds en fondant en larmes. Ensuite, plein de regrets pour sa conduite à l'égard de saint François et de ses compagnons, il va tuer le porc mutilé, le fait apprêter et le porte à Sainte Marie des Anges, conjurant les frères de le recevoir en réparation de ses outrages. Touché de la simplicité de frère Juniper et de sa patience dans les adversités, le saint dit alors à ses compagnons et aux autres personnes qui l'entouraient, plus à Dieu que nous eussions une grande forêt de pareils genévriers. Note. Saint François faisait allusion au nom de Juniper, qui signifie en latin genévrier. Chapitre 2. Exemple de la grande puissance de frère Juniper contre les démons. Les démons ne pouvaient tenir contre la pureté, l'innocence et la profonde humilité de frère Juniper. Le trait suivant en est la preuve. Un homme possédé du démon se trouvant sur un grand chemin, s'en détourna tout à coup et se mit à courir de toutes ses forces çà et là, sans savoir où il allait, parcourant ainsi l'espace d'environ 7 000. Quelques-uns de ses parents, qui le suivaient avec inquiétude, l'ayant enfin rejoint, lui demandèrent ce qui l'avait excité à s'enfuir avec tant de précipitation. La cause, répondit le possédé, c'est que l'insensé Juniper passait par le chemin où je me trouvais, n'ayant pu supporter sa présence, j'ai pris la fuite à travers les bois. On s'informa pour savoir si ce que disait le démon était vrai, et l'on reconnut que le frère Juniper s'était en effet trouvé sur ce chemin, à l'heure même où le possédé s'était échappé. Aussi, quand on amenait des démoniaques à saint François pour qu'il les délivrât, si l'esprit malin ne s'éloignait pas à sa parole, il lui disait « Si tu ne sors pas bien vite, je fais venir frère Juniper. » Et alors, craignant la présence de ce frère et ne pouvant d'ailleurs supporter les vertus et surtout l'humilité de saint François, le démon se hâtait de prendre la fuite. Chapitre 3. Comment le démon fit condamner frère Juniper aux fourches patibulaires. Voulant effrayer et troubler frère Juniper, le démon, sous une forme humaine, alla trouver un jour un seigneur appelé Nicolas, dont il connaissait l'extrême cruauté, et qui était alors en guerre avec la ville de Viterbe. Il lui dit « Seigneur, tenez-vous en garde, car bientôt doit arriver ici un grand traître, envoyé par les habitants de Viterbe, pour vous faire mourir et incendier votre château. Voici les signes auxquels vous le reconnaîtrez. Cet homme voyage sous l'habit d'un mendiant, ses vêtements sont tout déchirés et rapiécés, et son capuchon tombe en lambeaux sur ses épaules. Il porte une haleine, dont il a dessein de se servir pour vous percer, et une pierre à feu, avec laquelle il doit brûler votre château. Si un seul de ces indices est inexact, faites justice de moi, j'y consens. » Nicolas réfléchit à ces paroles, et il en demeura tout effrayé, car celui qui lui parlait paraissait un homme de bien et digne de confiance. Aussitôt il fait garder soigneusement toutes les avenues de son château, et il ordonne qu'on lui amène sur le champ, dès qu'il se présentera, l'homme dont on lui avait donné le signalement. Pendant ce temps-là, frère Juniper, à qui on permettait de sortir seul, à cause de sa grande sainteté, se dirigeait, sans compagnon, vers le château. Il rencontra de jeunes étourdis qui se mirent à l'accabler de plaisanteries, mais, loin de s'en offenser, le bon frère cherchait à les provoquer encore davantage. Il arrive à la porte du château, ses habits, dont il avait donné une partie aux pauvres, pour l'amour de Dieu, étaient misérables et déchirés, et il n'avait rien qui pût le faire reconnaître pour un frère mineur. Dès qu'ils l'eurent aperçu, les gardes reconnurent le traître qu'on leur avait désigné, ils le traînèrent sur le champ devant Nicolas. Le Seigneur ordonne à ses gens de le fouiller, et l'on trouve, dans une de ses manches, une haleine avec laquelle il raccommodait ses souliers, et un caillou dont il se servait pour allumer du feu lorsqu'il allait habiter les bois et les déserts. Reconnaissant la vérité de tout ce que le démon lui avait annoncé, Nicolas commande à ses gens de garrotter le traître, et il fut obéi avec tant d'inhumanité, que la corde pénétra jusque dans les chairs. Après avoir ensuite lié leur victime pour la mettre à la question, les exécuteurs lui tirèrent et disloquèrent tous les membres avec la plus atroce cruauté. Alors commença l'interrogatoire. « Qui es-tu ? » demanda-t-on au frère, le plus grand pécheur, répondit-il. « Ton intention était donc de livrer le château aux habitants de Viterbe ? Hélas, je ne suis qu'un traître, incapable de rien faire de bien. Et tu voulais faire mourir notre maître avec cette haleine, et brûler son château au moyen de cette pierre à feu ? Je commettrais des crimes bien plus énormes encore si Dieu le permettait. » À ces mots, n'en pouvant plus de colère, Nicolas fit cesser l'interrogatoire, et, sans aucune autre forme, il déclara frère Juniper coupable de trahison et d'homicide, et, comme tel, il le condamna à être lié à la queue d'un cheval et traîné jusqu'aux fourches patibulaires pour y être immédiatement pendu. Le frère trouvait son bonheur au milieu des tribulations, aussi, loin de chercher à se disculper, il attendait, plein de joie, qu'on exécuta les ordres du Seigneur. Il n'attendit pas longtemps, lié bientôt par les pieds, il se vit traîné aux fourches, mais au milieu des tortures qu'il endurait, pas une plainte, pas un soupir ne lui échappait, semblable à un doux agneau que l'on conduit à la boucherie. Il souffrait tout sans ouvrir la bouche. Le bruit de cette prompte exécution ne tarda pas à se répandre. Tout le peuple accourut pour voir tirer justice de ce traître que personne ne connaissait encore. Cependant, Dieu permit qu'un homme, qui avait été témoin de tout ce qui venait de se passer, se hâta d'aller au couvent des frères mineurs pour les en avertir. Pour l'amour de Dieu, leur dit-il, je vous en conjure, hâtez-vous d'arriver, un malheureux vient d'être saisi, il est condamné à mourir, et on va l'exécuter sur le champ, venez, qu'il puisse au moins rendre son âme entre vos mains, car il ne paraît pas méchant. On ne lui a pas donné le temps de se confesser, déjà il est traîné aux fourches, et il semble indifférent à tout, au salut de son âme comme à la mort qu'il va subir. Ah, je vous en prie, hâtez-vous d'arriver. Le gardien qui était un homme compatissant, partit aussitôt pour offrir ses services aux misérables, mais lorsqu'il arriva, la foule s'était déjà tellement pressée pour voir l'exécution, qu'il lui fut impossible de pénétrer jusqu'au lieu où elle allait se faire. Pendant qu'il attendait le moment où il pourrait s'avancer, tout à coup une voix s'élève parmi la foule. « Arrêtez, arrêtez, méchant, vous me déchirez les jambes. » Le gardien écoute, il croit entendre la voix d'un de ses compagnons, aussitôt il s'élance avec impétuosité à travers la foule, parvient jusqu'au patient, arrache le bandeau qui lui couvrait la figure. C'était le pauvre frère Juniper. Touché de compassion, il veut se dépouiller de sa tunique pour l'en revêtir, mais le frère l'en empêche et lui dit d'un visage riant, « Ô mon bon gardien, avec votre embonpoint, il serait inconvenant de vous montrer à nu, gardez votre tunique. » Cependant le gardien, les larmes aux yeux, conjure les exécuteurs et tout le peuple de vouloir bien, par pitié, retarder un peu le moment du supplice et d'attendre qu'il soit allé demander au Seigneur la grâce de son compagnon. On le prit pour un des parents du patient, et sa demande lui fut accordée. Aussitôt il court trouver Nicolas et lui dit avec douleur, « Seigneur, ma surprise et ma tristesse sont au comble, et je n'ai point de terme pour exprimer ce que je ressens. Un crime tel que nos pères n'ont jamais vu, se commet aujourd'hui dans cette contrée, l'ignorance seule en peut être la cause. Et quel est donc ce crime ? Demanda Nicolas. Seigneur, répondit le gardien, vous avez condamné au dernier supplice, et certainement sans raison, l'un des plus saints frères d'un ordre dont vous vénérez singulièrement le pieux instituteur. Un frère de votre ordre, s'écrie Nicolas, quel est-il ? Aurais-je donc été mal informé ? Celui que vous avez condamné à mort, répliqua le gardien, c'est le compagnon de saint François, c'est frère Juniper. Au nom de ce frère dont il avait entendu souvent louer la sainteté, Nicolas, surpris et tremblant, court promptement, avec le gardien, au lieu de l'exécution, fait délier le patient, et le met en liberté en présence de tout le peuple, et se jetant à ses pieds, il lui demande pardon, avec une grande abondance de larmes, pour tous les mauvais traitements qu'il lui a fait endurer, et il ajoute « Oui, je le crois, je touche au terme de ma criminelle vie, car c'est injustement que j'ai fait tourmenter un saint, c'est certainement par ignorance que je me suis rendu l'auteur de ce crime, Dieu cependant m'en punira bientôt par une mort cruelle. » Ce fut de bien bon cœur que frère Juniper accorda le pardon que lui demandait Nicolas, mais Dieu permit que, peu de jours après, il mourut d'une mort terrible. Lorsque tout fut expliqué, le bon frère revint à son couvent, et le peuple se retira plein d'admiration pour son héroïque patience. Chapitre 4. Comment frère Juniper donnait aux pauvres, pour l'amour de Dieu, tout ce qu'il avait sous la main. Frère Juniper avait pour les pauvres une charité affectueuse et une tendre compassion, il ne pouvait en rencontrer de nu ou mal vêtu, sans retirer aussitôt sa tunique ou le capuchon de sa cape pour les en revêtir, et il lui fallut une défense positive de la part du gardien et au nom de la sainte obéissance, pour l'empêcher de se livrer à de pareilles libéralités. Peu de jours après que cette défense lui eût été faite, un pauvre à demi nu se présente à lui et lui demande l'aumône pour l'amour de Dieu. Hélas, lui répondit frère Juniper, je n'ai rien que ma tunique, et mon gardien m'a défendu d'en donner la moindre partie. Cependant, si vous voulez la prendre vous-même, je ne vous en empêcherai pas. Le pauvre ne se le fit pas dire deux fois, aussitôt il dépouille le frère de son vêtement, le laisse nu et s'en va. Lorsque frère Juniper fut de retour au couvent, on lui demanda ce qu'il avait fait de sa tunique. « C'est une bonne personne, répondit-il avec simplicité, qui me l'a retirée de dessus les épaules et qui l'a emportée. » De jour en jour, la charité de ce pieux frère prenait de nouveaux accroissements, il ne se contentait plus de donner sa tunique aux pauvres, il leur faisait l'abandon des livres, des ornements, des manteaux, enfin de tout ce qui lui tombait sous la main, et les frères, qui connaissaient son extrême libéralité, étaient obligés de veiller soigneusement à ne rien laisser à sa disposition. Chapitre 5. Comment frère Juniper détacha, de l'autel, de petites sonnettes qu'il donna pour l'amour de Dieu. C'était vers le temps de la nativité de notre Seigneur. Frère Juniper se trouvant à Assis pour y célébrer cette fête, un jour qu'il était dans une profonde méditation devant l'autel du couvent, qui était richement orné. Le sacristain vint le prier de vouloir bien le garder pendant qu'il irait prendre son repas. Frère Juniper le lui promit, et il continua sa méditation. En ce moment, une pauvre femme vient lui demander l'aumône pour l'amour de Dieu. « Attendez un peu, lui dit-il, l'autel est chargé d'ornements, je vais voir si je pourrais vous en donner quelque chose. » Sur cet autel se trouvait un lustre d'or magnifique, auquel étaient suspendues de petites sonnettes d'argent de grand prix. Frère Juniper, en les considérant, se dit en lui-même, « Voici des sonnettes qui sont là des ornements superflus. » Et prenant aussitôt un couteau, il les détache du lustre l'une après l'autre et les donne charitablement à la pauvre femme. Le sacristain n'avait pas mangé trois ou quatre bouchées que, réfléchissant à la libéralité de frère Juniper, il craignit dès lors beaucoup pour les ornements de son autel. Il se lève de table, tout inquiet, court à l'église, jette un coup d'œil pour voir si rien ne manque. Plus de sonnette au lustre. À cette vue, son indignation est au comble. Frère Juniper, qui s'aperçoit de son trouble, s'approche de lui, et lui dit « Ne vous inquiétez pas au sujet des sonnettes du lustre, je les ai données à une pauvre femme qui en avait grand besoin, d'ailleurs elle n'était là d'aucune utilité, ce n'était qu'un ornement pompeux et mondain. » Le sacristain, désolé, se met à parcourir l'église et toute la ville pour y chercher la mendiante. Mais il ne peut en avoir aucune nouvelle. Il revient alors au couvent, et tout courroucé, Il enlève le lustre et le porte au général, en lui disant « Père général, je vous demande justice contre frère Juniper, voyez, il m'a gâté ce lustre, le plus beau de la sacristie, il en a détaché toutes les sonnettes, et il dit les avoir données à une pauvre femme. Vous êtes moins excusable que celui dont vous vous plaignez, répondit le général, vous deviez le connaître, je ne m'étonne, pour moi, que d'une seule chose, c'est qu'il n'en ait pas donné davantage, cependant je saurai le corriger. Aussitôt il rassemble tous les frères en chapitre, fait appeler frère Juniper au milieu d'eux, le réprimande sévèrement sur la faute dont il était accusé, et lui adresse ses reproches sur un ton de voix si animé et avec tant de vivacité que sa figure en devint tout enflammée d'indignation. Des réprimandes aussi sévères firent très peu d'impression sur le bon frère, c'était un bonheur pour lui d'en recevoir, mais ce qui lui faisait peine, c'était la violente irritation qu'il avait remarquée dans le général. Il pensa dès lors au moyen d'y apporter quelque adoucissement. Lorsqu'il eut reçu, dans le chapitre, tous les reproches qu'on s'était proposé de lui adresser, il sort en ville, fait préparer une bonne tasse de bouillie au beurre, et revient au couvent. La nuit était déjà fort avancée, il allume une chandelle, prend sa tasse, monte à la cellule du général et frappe à la porte. Le général se présente, surpris d'une si singulière apparition, il demande doucement au frère qui il est, « Mon père, répond frère Juniper, quand, dans la journée, vous m'avez fait vos réprimandes, je me suis aperçu que vous aviez la voix embarrassée, j'ai cru que cela provenait de la fatigue, et j'ai voulu vous procurer quelque adoucissement. Tenez, mon père, voici une excellente bouillie, mangez-la, je vous en prie, et je vous assure que la poitrine et la gorge s'en trouveront très bien. Quoi donc, lui dit le général, ne savez-vous pas quelle heure il est, pour venir m'importuner ainsi? Mon père, reprit frère Juniper, voyez, c'est pour vous qu'elle est faite, ne pensez plus à rien et mangez-la, je vous en conjure, elle vous fera grand bien. Mécontent de se voir troublé dans son repos, le général ordonna au frère, d'un ton sévère, de se retirer sur le champ, en lui disant que ce n'était pas à pareille heure qu'il était disposé à manger sa bouillie. Décidément les prières et les instances du bon frère étaient inutiles, il s'en aperçut. « Mon père, dit-il, au général, puisque vous ne voulez pas prendre cette bouillie que j'avais fait préparer pour vous, faites-moi le plaisir de tenir la chandelle, et je mangerai. » Le général, qui au fond avait le cœur bon et charitable, reconnaissant alors la charité de frère Juniper, et voyant que c'était vraiment par zèle qu'il agissait, lui répondit, « Eh bien donc, puisque vous le voulez absolument, mangeons ensemble. » Et tous deux se mirent à la bouillie, beaucoup plus satisfaits de l'édification qu'ils se donnaient mutuellement que du festin lui-même qui les réunissait. Chapitre 6. Comment frère Juniper garda le silence pendant 6 mois. Un jour, frère Juniper prit la résolution de garder le silence pendant 6 mois. Il le fit, le premier jour, pour l'amour du Père Céleste, le second, pour l'amour du Fils, le troisième, pour l'amour du Saint-Esprit, le quatrième, en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, et ainsi de suite. Observant tous les jours le silence en l'honneur de quelques saints, jusqu'à ce que les 6 mois fussent écoulés. Chapitre 7. Exemple contre les tentations de la chair. Un jour que les frères Égide, Simon d'Assise, Ruffin et Juniper se trouvaient réunis et qu'ils s'entretenaient des choses de Dieu et du salut de leur âme, frère Égide dit à ses compagnons, « Quelle est votre conduite dans les tentations de la chair ?»« Moi, répondit frère Simon, je fais réflexion sur la laideur et la turpitude de ces sortes de péchés, et cette considération produit en moi une haine assez vive pour me les faire éviter. Pour moi, dit frère Ruffin, je me jette à genoux quand ces tentations se présentent, j'implore, ainsi prosterné, la clémence de mon Dieu et le secours de la mère de Jésus-Christ, et c'est par ce moyen que je suis délivré. Et moi, dit à son tour frère Juniper, quand je sens les mouvements de la tentation du diable, je cours aussitôt fermer l'entrée de mon cœur, pour m'y tenir bien en sûreté, je m'occupe de sainte méditation et de pieux désirs, et quand la tentation survient, qu'elle frappe à la porte, je lui réponds, dehors, dehors, les places sont prises, il n'y en a plus pour personne, et c'est ainsi que je me tiens en garde contre toute mauvaise pensée. Alors le diable, se voyant vaincu, s'en va tout honteux, non pas seulement de mon cœur, mais de toute la contrée. Frère Juniper, reprit frère Égide, je suis de votre avis, avec l'ennemi de la chair, mieux vaut fuir que combattre, car les inclinations corrompues, à l'intérieur, les sens, à l'extérieur, sont des armes si puissantes entre les mains de ce cruel ennemi, qu'on ne peut le vaincre qu'en fuyant. C'est pourquoi, quiconque veut combattre autrement, ne verra pas souvent la victoire couronner ses pénibles efforts. Fuyez donc le mal, et vous serez victorieux. Chapitre 8. Comment frère Juniper s'humilie lui-même pour l'amour de Dieu. Frère Juniper voulant s'attirer, un jour, une bonne humiliation, se dépouilla de tous ses vêtements, à l'exception de celui de dessous, en fit un paquet qu'il posa sur sa tête, et se rendit ainsi sur la place publique de Viterbe, pour y provoquer les insultes et les dérisions. À peine y fut-il arrivé, qu'aussitôt accourt une foule d'enfants, qui, le prenant pour un fou, l'accable d'injures, le couvre de boue, lui jette des pierres et le pousse de côté et d'autre avec les moqueries les plus outrageantes. Frère Juniper demeura une grande partie de la journée sur la place, ainsi bafoué et méprisé, puis il revint au couvent. Les frères furent indignés de le voir arriver en cet état, ils ne comprenaient pas qu'il eût osé traverser ainsi toute la ville. Ils lui adressèrent donc de sévères reproches et lui firent même des menaces. « Mettons-le en prison, » disait l'un. « Pendons-le, » disait un autre. Et tous s'accordaient à dire qu'on ne pouvait châtier trop rigoureusement un homme qui ne rougissait pas d'exposer ainsi l'ordre auquel il appartenait et de s'exposer lui-même à la risée publique. « Vous avez bien raison, » disait alors. Avec joie, l'humble frère, je mérite tous ces châtiments et de bien plus grands encore. Chapitre 9. Comment frère Juniper se mit à jouer à la balançoire pour s'humilier. Un jour que frère Juniper se rendait à Rome, où le bruit de sa sainteté s'était déjà répandu, il vit arriver vers lui un grand nombre d'habitants de cette ville qui venaient à sa rencontre. Son humilité en fut effrayée, et aussitôt il chercha le moyen de faire tourner en dérision l'estime qu'on voulait lui témoigner. À quelque distance de lui se trouvaient deux enfants qui s'amusaient à balancer. Ils avaient placé une pièce de bois au travers d'une autre, et chacun se tenant à son extrémité, ils se faisaient alternativement monter et descendre. Frère Juniper va les trouver, se fait donner une des deux places, et se met à balancer avec l'enfant qui était demeuré sur l'autre extrémité. Les Romains demeurèrent singulièrement surpris quand ils le virent ainsi s'amuser à des jeux d'enfants, ils le saluèrent cependant avec respect, attendant qu'il eût fini de balancer, pour lui faire honneur et l'accompagner jusqu'au couvent. Mais frère Juniper, sans se mettre en peine des salutations qu'on lui adressait, et sans considérer qu'on l'attendait, continuait à balancer avec plus d'ardeur encore. Enfin, fatigué de demeurer là sans réponse, plusieurs commencèrent à se dire « Mais quel est donc ce stupide ?» D'autres qui connaissaient son humilité, ne firent que concevoir une plus grande estime pour lui. Voyant cependant qu'il ne se lassait pas de balancer, chacun finit par se retirer. Frère Juniper, demeuré seul, se trouva bien heureux des railleries dont il avait été l'objet, il se remit en route, fit humblement et paisiblement son entrée dans Rome, et c'est ainsi qu'il parvint au couvent des frères mineurs. Chapitre 10. Comment frère Juniper fit, une fois, la cuisine aux frères pour 15 jours. Frère Juniper se trouvant dans un des petits couvents de l'ordre, et les frères se voyant tous obligés de sortir pour quelque affaire importante, il fut laissé seul à la maison. Le gardien, en partant, lui dit, « Frère Juniper, nous allons tous sortir, je vous charge de la cuisine, ayez soin de préparer une petite collation pour le retour de nos frères. » « Volontiers, répondit frère Juniper, soyez tranquille, tout sera prêt. » Lorsqu'il se trouva seul, une pensée lui vint, que de soins inutiles, se dit-il, faut-il donc qu'un frère demeure continuellement absorbé dans sa cuisine, sans pouvoir, comme les autres, vaquer à la prière? Me voici chargé de l'office, eh bien, je vais en profiter, je veux m'en acquitter si bien, que tous les frères, alors même que leur nombre augmenterait, en auront plus qu'il ne leur en faudra pour 15 jours. Et là-dessus, frère Juniper court acheter plusieurs grandes marmites, puis se procurant toutes sortes de viandes, des poulets, des œufs, des légumes et une bonne provision de bois. Il entasse et fait cuire tous ses comestibles pêle-mêle dans les marmites, les poulets avec leurs plumes, les œufs avec les écailles, et tout le reste disposé à peu près de la même façon. Quand les frères furent de retour au couvent, l'un d'eux, qui connaissait la simplicité de frère Juniper, vint le trouver à la cuisine. Il voit un grand feu sous d'énormes marmites, il s'assied, regarde en silence et admire avec quel empressement le bon frère travaille à ses ragoûts. Le feu devint bientôt si ardent qu'il fut impossible au cuisinier d'aborder ses marmites, alors il prend une large planche, et se l'attachant bien serré sur la poitrine, le voilà qui se met à courir d'une marmite à l'autre. Pour écumer et mêler son tripotage, c'était un plaisir de le voir. Lorsque le frère se fut bien amusé d'un spectacle si bizarre, il alla retrouver ses compagnons. « Je vous assure, leur dit-il, que frère Juniper fait maintenant une jolie noce. » Les frères prirent ces paroles pour une plaisanterie. Cependant le cuisinier jugea bientôt que ses ragoûts étaient assez cuits, il retire ses marmites et fait sonner le repas. Quand les frères furent à table, il se présente au réfectoire, chargé de mets, et la figure tout enflammée. « Mangez bien, dit-il, et qu'ensuite nous nous mettions tous à la prière, sans que personne ne pense plus de sitôt à faire la cuisine, j'en ai tant fait aujourd'hui que nous en aurons au moins pour 15 jours. » Puis il place devant les frères son épaisse pâtée. En vérité, il n'y aurait pas eu de porc, dans Rome, assez affamé pour vouloir en goûter. Frère Juniper cependant se met à vanter sa cuisine pour lui donner plus de débit, mais il voit que tous les frères en étaient déjà rassasiés. « Mangez donc, leur dit-il, tenez, voici du poulet, c'est un excellent fortifiant pour l'estomac, ce ragoût vous tiendra le corps libre, prenez-en, il est délicieux. » Les frères demeuraient dans l'étonnement et l'admiration, en voyant dans leur cuisinier de si bonnes intentions et une si grande simplicité, mais le gardien, fort mécontent de son indiscrétion, fâché surtout de voir tant de provisions perdues, lui fit une sévère réprimande. Le bon frère se jeta à ses pieds, lui demanda humblement pardon, en présence de tous ses compagnons. « Oui, dit-il, je ne suis qu'un misérable, il y a des criminels qui sont condamnés à perdre les yeux ou à mourir pendus, hélas, j'en ai mérité bien davantage pour mes fautes, je ne suis bon qu'à perdre inutilement tous les biens de Dieu et de notre ordre. » Ensuite, il se retira fort triste, évitant, tout le reste de la journée, de reparaître devant les frères. Le gardien dit alors à ses religieux, « Ô mes bien chers, ce serait certainement sans regret que je verrais ce bon frère perdre, tous les jours, autant de provisions, si nous pouvions les lui fournir et s'il pouvait s'en édifier, sans préjudice pour les autres, oui. » Car c'est dans l'excès d'une charité et d'une simplicité vraiment admirable qu'il a fait tout ce que vous voyez. Chapitre 11. Comment frère Juniper se rendit un jour à Assis pour sa confusion. Frère Juniper demeura quelque temps dans la vallée de Spolète, pendant qu'il s'y trouvait, apprenant, un jour, qu'une grande fête devait avoir lieu à Assis, et voyant qu'une foule de fidèles s'y rendait avec dévotion, il lui vint le désir d'y aller aussi, mais voici comment. Il commença par se dépouiller de tous ses vêtements, à l'exception de celui de dessous, se mit en route, traversa toute la ville de Spolète, et se rendit au couvent dans cet état. L'indignation des frères fut extrême, lorsqu'ils le virent arriver ainsi. Ils le reprirent durement, le traitant d'insensé qui allait déshonorer tout l'ordre de Saint-François, et qui méritait d'être enchaîné comme un fou. Le général, qui se trouvait alors au couvent, le fit appeler à son tour, lui adressa de très sévères reproches en présence de tous les frères, et finit par lui dire « En vérité, votre conduite est si indigne, que je ne sais plus comment vous en punir. » Frère Juniper, qui n'était jamais plus heureux que dans les humiliations, répondit doucement, « Mon père, si vous voulez, je vais vous indiquer un bon moyen, je suis venu sans habit jusqu'ici, imposez-moi pour pénitence de retourner de même. » Note. Ce trait nous rappelle une réflexion de Saint Grégoire, au sujet de la danse de David devant l'arche, 2 Samuel 6, 16, dont il est parlé au second livre des rois. Ce grand pape dit, à cette occasion, je ne sais quel sentiment les autres peuvent avoir de ses actions. Pour moi, j'admire plus David quand il danse devant l'arche, que quand il met les lions en pièces, qu'il tue Goliath et qu'il défait les Philistins. En toutes ces occasions, sa gloire se borne à dompter des bêtes farouches ou à vaincre ses ennemis, mais, dans cette danse sacrée, il est vainqueur de lui-même. Chapitre 12. Comment frère Juniper fut ravi en extase pendant la célébration de la messe. Un jour que frère Juniper entendait pieusement la sainte messe, il se sentit tout à coup ravi dans une extase qu'il conserva pendant un temps assez considérable. Il était seul dans la chapelle, lorsque revenant à lui il s'écria, « Ô mes frères, quel est l'homme ici-bas, quelque noble qu'il fût, qui refuserait de se charger du plus vil fardeau, s'il devait, à ce prix, trouver ensuite sa maison toute remplie d'or. Eh bien donc, ajoutait-il, pourquoi ne voudrions-nous pas supporter un peu de honte, si par ce moyen nous pouvons obtenir la vie éternelle ? Chapitre 13. De la tristesse qu'éprouva frère Juniper, à la mort de frère Amasiel Ben, son compagnon. Frère Juniper avait pour compagnon un religieux qu'il aimait tendrement. Ce frère, nommé Amasiel Ben, possédait les vertus de patience et d'obéissance au plus haut degré. On l'aurait battu toute une journée, que pas une plainte, pas une parole ne lui serait échappée. On l'envoyait souvent à des couvents où il se trouvait en compagnie avec des frères d'un esprit contrariant, et qui se plaisaient à le tourmenter, mais il savait tout souffrir, et rien ne pouvait ébranler sa patience. On raconte aussi que frère Juniper avait sur lui un tel ascendant, qu'il le faisait passer, selon qu'il le voulait, de la joie à la tristesse, et de la tristesse à la joie. À la nouvelle de la mort de son ami, la douleur de frère Juniper fut si vive, que jamais rien au monde n'avait pu, jusque-là, lui en causer une semblable, et la tristesse qu'il laissait paraître à l'extérieur annonçait bien quels étaient alors les sentiments de son cœur. Il s'écriait en soupirant, « Hélas, malheureux que je suis, il ne me reste plus sur la terre aucun bien. Tout m'y déplaît, maintenant qu'il est mort, ce doux et très aimé frère Amasiel Ben. » Puis il ajoutait, « Eh bien, si désormais je ne puis trouver la paix parmi mes compagnons, j'irai creuser la tombe de mon ami, j'enlèverai sa tête, et faisant deux vases de son crâne, je m'en servirai pour prendre ma nourriture, et je trouverai là des souvenirs qui feront ma consolation. » Chapitre 14. De la main que frère Juniper vit suspendue en l'air. Un jour que frère Juniper était en prière et qu'il lui venait peut-être quelques pensées de vaine gloire, il vit une main suspendue en l'air, et il entendit une voix qui lui disait « Ô frère Juniper, tu ne peux rien sans cette main. » Aussitôt il se lève, regarde vers le ciel et s'écrie à haute voix en courant par tout le couvent. « Oh c'est vrai !» Et pendant longtemps il ne cessait de répéter ces paroles. Note. Les détails qu'on vient de lire sont à peu près les seuls qui nous restent de la vie de frère Juniper. Les autres historiens de saint François ajoutent seulement que Sainte-Claire avait une grande confiance en sa sainteté. Elle disait agréablement de lui, que frère Juniper était le jouet du bon Dieu. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.